partir dans son chanton tous avec Musette. Parti, c'est réussi. Musette parti a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Cœur bien plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette parti, c'est notre vie. Et c'est parti, dans son chantons tous avec Musette parti. C'est réussi, Musette parti a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guerre feu, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Eh bien bonjour auditrices et bonjour auditeurs, bienvenue dans Musette Parti sur Radio Guimauzo 107.0. Et bonjour Marcel. Attends, je te mets le micro quand même, hein, parce que là t'as pas de micro. Pas de micro. Bonjour, oui, bon, Marcel. Bonjour Cyril, bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs, les internautes. Oui. Et les cosmonautes. Les cosmonautes, voilà. Voilà. Bienvenue aux Martiens. Oui. Alors, vous êtes bien dans Musette Party, comme chaque samedi, hein, entre 10h et midi, sur Radio Guimauzo. Tout à fait. Dès 11h sur Résonance FM le samedi, hein, donc 107.0, 88.1. Donc, ce sont les deux fréquences sur lesquelles vous nous écoutez. Le dimanche, eh bien, c'est la rediffusion de la semaine d'avant. Donc, demain, eh bien, vous aurez droit à la rediffusion de la semaine dernière. Donc, sur Radio Guimauzo 107.0, à partir de 7h et dès 5h sur Résonance FM. Et dès 7h sur Radio Guimauzo. Voilà. Une fréquence à Saint-Étienne-lès-Miremont et l'autre à La Bresse. Ok. Bon, ça va, la semaine a été bonne ? Impeccable, oui. Ça se prépare, oui. Ça se prépare. Bien, tiens, pour te mettre en condition. En condition, voilà. Pour te mettre en condition pour ces prochains jours. Que, et... apparemment tu vas du côté du soleil en Espagne. Et oui. Voilà. Eh bien, au lait. Au lait. Café ? Non, c'est au lait, c'est le titre. Oui, il est pas. Non, c'est pas un café aussi. Hein. Il est pas au lait. C'est juste au lait, sans c'est le café. D'accord. C'est voilà. Un passo, ça. C'est un passo. Un passo tout double. Fait. Eh bien, c'est un passe-double interprété par Jérôme Hortet. Jérôme Hortet, donc c'est lui qui l'a composé en plus. Hein, c'est une musique signée Jérôme Hortet, extrait de son album qui s'appelle « Si on dansait avec sa femme Émilie ». Émilie Hortet. Mmh. Voilà, un album en 15 titres. Donc c'est parti. Ce sera pour Huguette, ça. Voilà, pour Huguette Lambert. Fan de Passo Doble. Hein, oui. Eh bien, c'est parti. Place au Passo Doble. Et Jérôme Hortet, bienvenue dans Musette Party. Musette Party. Merci à notre amie au féminin, amie Dorothée Loire, dans Musette Partie avec ce passodoble. Un très joli passodoble, hein, ça s'appelle El Camelo. Extrait d'une compilation alors, qui s'appelle 1, 2, 3 Musettes, avec en tout dans ce coffret, eh bien, 4 CD. Sans titre, hein, en tout. Dans ce coffret, voilà. Un coffret 1, 2, 3 Musettes. Avec des accordéonistes qui se produisent régulièrement dans l'émission 1, 2, 3 Musettes. Hein, sur Vosges Télévisions, animé par Pierre-Yves Lombard et Jérôme Richard. Et ce passe-double est bien interprété par Dorothée Loire, El Camelo. Dorothée Loire qui nous vient du Nord, de la Picardie. Et donc c'est une composition de Dorothée Loire, de Jean-Marc Torchi et Christophe Lampidecchia. Voilà. Merci à Dorothée Loire en tout cas. Hein. Alors après Dorothée Loire, eh bien on va aller danser la valse. Ça s'appelle Tournée Musette. Tournée Musette, eh bien c'est... C'est parce que ça tourne une valse, hein. C'est pour ça, c'est pas une tournée comme la tournée générale, hein. C'est pas pareil. Donc Tournée Musette, eh bien, c'est interprété par Zinzin. Zinzin, eh bien, l'accordéoniste Pascal Sevran qui était avec son accordéon sur le plateau de La Chance aux Chansons, hein, et qui est devenu après Chanter la Vie. Donc c'était l'accordéoniste de Pascal Sevran, Zinzin, autrement dit Bruno Desmet. Alors c'est justement donc Zinzin qui vous amène un peu de soleil avec cette valse Tournée Musette, et c'est signé Jackie Delance, Bruno Desmet, Jacques Ferchit et Marc Provence. Voilà. Alors place à la valse et Tournée Musette. Attention, ça tourne. Pense aux instants, merveilleux moments où sans façon. faisait valser, bonheur de ses pensées. Leur sourire était grand, en tourbillonnant à l'unisson. Souvenir d'une dernière valse, dans son cœur rien ne le remplace. Quand son père venait l'inviter et qu'il la faisait tourner, comme au temps des jours heureux, quand ils valsaient tous les deux sur l'air d'une chanson et d'un accordéon. C'était son premier amour, il le restera toujours. Cette valse, c'est pour lui que ses doigts la joueront aujourd'hui. Eh bien, c'était Christelle Jeanblanc, comme le dit le titre. Eh bien, souvenir d'une dernière valse, c'est le titre que vous venez d'écouter. Et c'est le titre phare de son album. Oui, et voilà. Espérons que ce ne sera pas la dernière valse. Ah, bah non. Qu'il y en aura d'autres. Ah bah oui, il y en aura d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà, souvenir d'une dernière valse avec, au chant, eh bien, Hubert Ledent. Hein, Hubert Ledent, un super chanteur. Hein. Oui, oui. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la plus grosse partie des paroles. Voilà. Et on le remercie. T'en as fait beaucoup avec lui. Oui, pas mal, oui. Hein? Oui. Voilà. Et on le salue au passage. S'il nous écoute. Voilà. Et donc, souvenir d'une dernière valse. Alors, cet extrait de l'album de Christelle, hein, pour ne pas vous le rappeler. Un album en 24 titres. Avec inclus donc cette valse, voilà, de Hubert Ledent pour les paroles et Laura Vimard. Et pour la musique, c'est de Christelle Jeanblanc et de Cyril Renaud. Voilà. T'as bossé. Comment ? T'as bien bossé. Ah, d'accord, oui. Bah oui, on essaye, hein. On fait ce qu'on peut, mais pas des chambres. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, pour information, bien, si vous voulez retrouver Christelle, vous pourrez la retrouver du côté de l'Aube. Le dimanche, ça sera le 29 avril, eh bien, du côté de l'Aube, à Plaine-Saint-Lange, au Dancing Le Galaxy, dans les étoiles. À partir de 15h jusqu'à 20h, donc à Plaine-Saint-Lange dans l'Aube. Alors pour plus d'informations, bien voici un numéro, c'est le 06 11 25 05 17. Je répète, 06 11 25 05 17. Voilà, donc ça c'est dit. Donc après Christelle Jeanblanc, eh bien on va aller danser le tango. Eh bien, c'est un tango à présent interprété par Thierry Monico. Et c'est extrait de son tout dernier album qui s'appelle La Tape aux mains. Un album en 14 titres. Alors, le titre de ce tango, c'est La vie dans la nuit. Pas dans le jour, hein, dans la nuit. La voilà. Tape aux mains. Oui, mais là, c'est... C'est fait taper sur les pattes. Voilà, oui. Alors, donc, ce tango, donc interprété par Thierry Monico. Alors, c'est de Charles Cassonnet et Thierry Monico. Donc, en piste avec le tango. Dans Musette Partie, sur le 107.0 à Saint-Étienne-lès-Miremont, ou alors le 88.1, donc à la Bresse, sur Résonance FM. Résonance. Voilà. J'en ai un trou, là. Je pensais à autre chose. Ah, tu pensais à autre chose. Ouais. Autrement, il y a des internautes aussi. Hein. Et oui, il y en a beaucoup. Qui nous écoutent sur radioguimozo.eu. Donc La vie dans la nuit, c'est de Thierry Monico, Charles Cassonnet pour la musique et pour les paroles, c'est de Jean-Claude Boudet. Jean-Claude Boudet, il ne boude plus maintenant. Puisque c'est Jean-Claude Boudet. Allez, c'est parti. Thank you. Eh bien, merci à notre ami Cédric Saillard. Cédric Saillard, eh bien, avec ce tango, et qui s'appelle Notre Premier Tango. Et c'est vraiment, en plus, c'est la première série de tango. Attends, je te mets le micro. À chaque c'est fois, je me trompe. C'est la première série, oui. Oui. Là, aujourd'hui, j'en veux avec les tranches. Ah, oui, tu trouves plus le bouton. Bah, écoute, pourtant, j'ai l'habitude, mais là, je suis... T'es pas dans l'alignement d'habitude. Moi, là, je louche. Oui, oui. Oui. Je louche, donc je me trompe de ligne. Donc voilà, c'était notre premier tango. On disait, oui, c'est la première série de tango. En plus, Cédric Saillard, qui nous vient de Montoire-sur-le-Loire. Oui. C'est dans la Loire, ça. Apparemment, oui. Oui. Voilà, également animateur d'une émission d'accordéon, hein, Cédric Saillard. Ah, d'accord. Voilà. Et cet extrait de son album Bilure, en fait. En tout, 15 titres, avec inclus ce tango, notre premier tango, de Michel Pruvot, la Musichini, Franck Zetoun et Claude Savoie. Alors, à présent, on va aller danser le tcha-tcha, tiens. Un petit tcha-tcha pour l'heure. Ah oui, pourquoi pas. Bah oui, c'est tellement bien le tcha-tcha. Donc c'est Senor, Philippe, Aurélie Gusto. Aurélie Gusto, eh bien, que vous pouvez retrouver dans cette compilation Les Amis de l'accordéon, volume 3, en tout 20 titres. Et donc vous pouvez retrouver Aurélie Gusto avec d'autres accordéonistes, hein, notamment Bertrand Ambert, Jean-Yves Sixte, Julien Proulac, Danny Moreau, Yvon Branlard, Florent Goris, Karen Neuville, le duo Virginie et Cyril Denré, que tu connais. Oui. Un petit peu. Je les connais tous. Oui, tous. Plus ou moins. Il y en a toujours que tu connais un peu plus. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, comme Cyril, oui. Par exemple. Donc Aurélie Gusto, eh bien, qui nous vient de Bretagne. C'est une Bretonne. Hein. Et bon, elle a vécu également du côté de la Savoie, la Haute-Savoie. Tout à fait. Alors c'est parti, Senor Philippe, alors c'est de, les compositeurs, c'est de Aurélie Gusto, Cyril Denré, Virginie Zeflinski et Pascal Loubersac. Allez, c'est parti. En piste avec le tcha-tcha. Rosetta, mi querida, viens donc faire avec moi ce cha-cha. C'est du feu, du soleil, cette musique-là. Je te promets un truc que tu n'oublieras pas. Rosetta, Rosetta, mi querida, prépare-toi une soirée de gala. J'ai vu des brunes et des blondes, celle que je veux, c'est bien toi. Rosetta, mi querida, à moi. Cha-cha, merci. Eh bien, c'était... Oui, faisait pêcher. Hein. Ah, cha-cha-cha. Oui, c'était Delphine Hubin. Hubin, c'est bien. Oui, ben c'est bien. Comme tu dis. Bah oui, c'est bien dit quand même. Ah oui. Alors, un joli cha-cha hein, qui s'appelle Rosetta Kemida. Enfin, je ne sais pas si on dit bien comme ça, mais bon, c'est Rosetta... Non, Rosetta mi querida, voilà. C'est pas pareil, hein. Ouais. Faut pas confondre. Faut pas confondre. Rosetta mi querida, donc Delphine Hubin, qui est l'interprète de ce cha-cha-cha. Merci à Delphine. Donc après Delphine Hubin, eh bien on va aller retrouver un duo. C'est le duo Jean-Marie et Françoise Lacroix. Parfum d'automne, c'est le titre de cet album. En tout, 22 titres et vous pouvez retrouver une valse viennoise qui s'appelle Bleu de Vienne. On est au printemps, mais ça fait rien. Oui, mais au printemps, le ciel est bleu. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Mmh. Là, c'est le Bleu de Vienne à Saint-Étienne-lès-Miremont. Voilà. Voilà. Dans les studios de Radio Guimauzo. Voilà, et vous nous écoutez sur le 107.0, merci à vous. Donc c'est Bleu de Vienne, signé Françoise Lacroix et Jean-Marie Lacroix, voilà, qui nous viennent de Normandie, ce sont des Normands. Ils aiment le cidre, c'est le pays du cidre, oui. En Normandie. Du fromage aussi, du camembert. Tu sais que le cidre c'est meilleur des bouchers. Comment ? Le cidre, c'est meilleur des bouchers. C'est meilleur des bouchers. Ah bon ? Parce que d'habitude, c'est le cidre bouché. Ah oui ? Ah oui ? Oui, d'habitude, il est bouché, oui. Mais il est pas charcutier. Non. Allez, c'est parti. Donc, c'est... Enfin, là, c'est pas le duo. Enfin, si, ils sont deux, si vous voulez, dans cet album. Si vous voulez, ils jouent chacun leur tour. Il y a une fois Jean-Marie, une fois Françoise. Une fois Jean-Marie, une fois Françoise. Et là, c'est... Jamais les deux ensemble. Mis à part sur quelques morceaux, à mon avis, c'est Jean-Marie à l'accordéon et Françoise au chant, parce qu'elle chante aussi. Oui. Donc voilà. Mais bon, là, c'est Françoise Lacroix qui vous l'interprète, ce Bleu de Vienne. D'accord. Allez, place à la valse viennoise. Thank you. Merci Guillaume, c'était Guillaume Pruvot dans Vous êtes parti, une jolie valse. Hein. Oui, très bien joué. Voilà, jolie valse viennoise de Guillaume Pruvot, hein, justement, c'est lui qui a fait cette valse avec Vincent Duez et Michel Dancourt ou Maurice Dancourt, enfin je sais pas. En tout cas, c'était Guillaume Pruvot, extrait de cet album No Problemo, en tout 17 titres, avec inclus L'Ave Maria. D'accord. Voilà. L'Ave Maria. Il a pris la savonnette. Voilà, c'est ce que je pensais à ça aussi. Voilà, je suis comme toi, toi. Parce qu'à force de faire les blagues, de me les faire, j'y connais maintenant. En tout cas, Guillaume Pruvot qui nous vient de Yonval dans la Somme. Oui. Voilà. Alors après, là. Il n'est pas parent avec. Avec Michel ? Michel. Non, ça n'a rien à voir, voilà. Parce que c'est pas le même Pruvot. Il y a un S entre le O et le T. Oui. En fait, ça fait Pruvost. Oui. Bon, là, c'est Pruvot, on dit Pruvot. Il faut dire qu'il a un très bon professeur. Hein. Qui ? Guillaume Pruvot ? Là ? Oui. Bah, je sais pas. Bah si, il était... Quand on a fait l'enregistrement, il était là aussi. Ah, il était là ? Ah bon, d'accord. C'était qui le professeur ? Il a plus de cheveux, il est jeune, mais je peux pas te dire son nom. Ah bon, d'accord. Ah bon, j'ai jamais rencontré, c'est pour ça. Ah si. Non, moi j'ai jamais rencontré Guillaume. Non. On s'est déjà eu au téléphone, tout ça, mais non. On s'est jamais rencontré. Bah oui, bah... C'est le monde de la musique, hein, ben, des oui, fois. C'est ça, oui. Bien, alors à présent, voici un petit peu de tendresse et du boléro, allez. Du boléro dans mes aides parties. Et donc là, c'est Eric Mouet qui vous emmène danser ce boléro, cette série carrément de boléro, si vous m'aimiez autant, et Passionata Boléro. Enfin, Passionata Boléro. Passionata. C'est pas la Passionata de Guy Marchand. De qui ? De Guy Marchand. Ah, c'est quoi ? C'est une chanson de Guy Marchand ? La Passionata ? Tu connais pas ça ? Non. Ah, ah. C'est quoi ? Oh, ben, je te la chanterai... Hors antenne. Hors antenne. Ah bon, tu veux pas la chanter là tout de suite ? Non, non, non. Allez. Non, non. je suis un peu enroué, alors ça passerait pas. Bon, je vais essayer de t'enregistrer pendant que tu vas me la chanter alors. Non ? Allez, tu veux pas ? Non, non. Bon, bah, c'est toi qui vois. Hein. tu payes pas assez cher. D'accord. Ok. Bon, bah, tant pis. Je suis malheureux quand même. Ouais. Bien, alors c'est parti. Donc, si vous me misez autant, c'est le titre justement de cet album. C'est le titre phare en plus de cet album. Allez, c'est parti. Eric Mouet. Thank you. Et merci à Eric Mouet pour cette série de Boléro, La Tendresse. C'est joli, hein ? Ouais, oui, oui. Ça donne envie de s'aimer. Hein. Oui. Ça donne envie de faire des enfants. Non, je plaisante. Hein. Oui. Voilà, enfin. Si, ça rend amoureux, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, après la série Tendresse, c'est le Boléro. Bien, je vous propose à présent d'aller danser la polka. Alors, cette première polka, c'est interprétée par votre serviteur. Je vais endosser un petit peu l'accordéon. Bah, et aussi oui. Une petite polka byzantine. Alors, c'est de Pierre-Alain Krumnacher, voilà, de votre serviteur également, extrait de mon album Des Vosges à la Savoie, volume 2. C'est également de Joël Saint-Hillier et de Manu Mauguin. Voilà, donc un album toujours disponible, hein, Des Vosges à la Savoie, volume 2, en tout 18 titres. Et pour information, donc si vous voulez danser au son de l'accordéon de votre serviteur, eh bien je vous donne rendez-vous dans le Doubs. Au Mésendan, au Saveur du Thuyer, donc c'est à Mésendan du moins. Entre Baume-les-Dames et Lure. Ça sera donc le dimanche 29 avril de 14h30 à 19h pour le thé dansant. Donc, au Saveur du Thuyer, à Mésendan. Alors, le numéro de téléphone pour plus d'infos, eh bien, c'est le suivant. Notez bien. Donc, c'est le 03 81 84 72 55. Je répète. 03 81 84 72 55. Voilà, donc c'est parti pour la polka byzantine et votre serviteur. Marcel, es-tu prêt ? Je suis prêt. Eh bien, en piste. Thank you. Voilà, belle polka. Hein. Oui, très belle polka. Voilà, bien envoyé. Oui. Donc, les deux, hein, les deux. Oui, les deux, oui, oui. C'est vrai que ce sont deux jolies polkas. Mmh. Et donc là, c'était Nénette Polka. Pour Nénette, tiens. Pour Nénette. Oui. Pour toutes les Nénettes qui nous écoutent. Hein. Donc, interprété par Isabelle Lépinet. Et c'est justement une composition d'Isabelle Lépinet et Alexandra Paris. Extrait de l'album d'Isabelle Lépinet qui s'appelle Lépinette. Voilà, tout simplement. Elle nous vient du Mans. Enfin, de la Sarthe. Mmh. Oui, c'est dans le Mans. Enfin, c'est dans la Sarthe, le Mans, du moins. Oui, bah, oui, c'est même le chef. Parce que c'est dans le Mans. Le chef, lui, oui. je suis un peu, j'ai le cerveau un peu à l'envers, là. Ah. Mais la carte dans le bon sens. Voilà, c'est ça. C'est comme si on disait, c'est dans Épinal, les Vosges. Hein. Oui. Hein. Bon, alors après, après Isabelle Lépinet. Donc avec cette polka, Nénette Polka, eh bien, on continue maintenant avec deux dédicaces. Donc la chasse aux dédicaces est ouverte, un numéro 03 29 62 40 40. Hein, oui. Si vous voulez faire comme qui ben comme c'est la première, ça va être quoi? Eh ben Martial Villemain. Ah bon, d'accord. Alors donc c'est. Ou Étienne, comme tu veux. Bon, ben, je vais mettre Martial. Allez, Martial Villemin. Alors, c'est de la part de... Je pense qu'il est à l'écoute, Martial, en ce moment. Hein. Tu crois qu'il nous écoute? Ah oui, je pense, oui. Et il fait beau, hein, quand même. Oui, oui. Oh, Bon, le salut, alors, s'il nous voilà. écoute, en on tout le cas. Salue, puis on lui dit... On lui fait un gros bisou. Oui, oui. On lui dit à demain. Bah, pas moi. Dors bien. Toi. Oui. Oui. Donc c'est de la part d'une dame de 85 ans que j'ai eu au téléphone tout à l'heure. Oui. Elle s'appelle Mimi. Mimi. Voilà. D'accord. Et elle fait un gros bisou à notre ami Martial. Oui. Hein. Et donc, voilà, elle nous a demandé une valse ou une java. Donc, voilà. Bah, du coup, ça serait une valse alors. Voilà. Une valse que tu aimes bien d'ailleurs. Une valse que j'aime bien. Oui, qu'il a enregistrée dans son tout dernier CD. Apparemment, tu aimes bien cette valse. Ça te dit rien? Bah, les titres, tu sais. Oui, oui, les titres et toi, ça fait deux. Voilà. Oui. Donc, ça sera Ma Belle Bavière. C'est Ma Belle Bavière. Ah oui, d'accord. Oui, voilà, parce de que Jérôme Richard. C'est vrai que oui, je veux la. Martial Villemin. Voilà. Donc vous pouvez retrouver cette valse dans son tout dernier album, Dansons au rythme des saisons. Tout à fait. Sorti récemment. Oui. Elle est toujours disponible. Hein. Oui, il y avait un titre. Hein. Ne vous gênez pas, ceux qui veulent des CD. Oui. Vous appelez, on vous les. On vous les livre. On vous les livre, oui. À la rigueur. On vous les livre ou on vous les fait parvenir. Parvenir, voilà. Merci Marcel. Heureusement que tu es là quand même. Hein. Eh oui. Si tu n'étais pas là. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait? Sans toi. Bon. Tu serais pas à l'abri quand même. Donc, bah, nous, à Mimi, là, on lui fait de gros bisous, hein, parce que... Oui, gros bisous à Mimi. C'est une fidèle donc auditrice. Donc, elle nous écoute sur le 107.0. Oui, oui, elle nous écoute. Et ben, on la remercie tout plein. Voilà. On l'a du fond du cœur, merci. Et donc, la deuxième valse, puisque c'est une valse. Voilà, oui. Donc, c'est de la part de Étienne Masson, donc de Saône-et-Loire. Oui. C'est pour son plaisir personnel. C'est un bourguignon. Voilà. C'est également pour les bourguignons, les bourguignonnes, les varois, les varoises, les alsaciens, les alsaciennes. Oui. Les lorrains, les lorraines. Oui. Je pense pas en avoir oublié. Puis bah tous les varois, internautes. Les varoises. Oui, je l'ai dit. Oui, c'est à dire. Oui. Les bourguignons, les bourguignonnes. Oui. Ben, je pense qu'il y a tout là. Il y a tout. Oui. T'as tout dit. Voilà. Les Hauts-de-Saônois, les Hauts-de-Saônoises aussi, t'as dit. Ah non, je les ai oubliés, oui. Ah bah voilà. C'est vrai. Il me semblait que t'avais oublié quelque chose. Ouais. Donc, merci à Étienne de nous écouter par le biais d'Internet, hein, sur le 100... non, c'est pas le 107.0, tout comme vous, mais sur Internet, sur radioguimozo.eu. Voilà. Et puis on va lui souhaiter de bonnes vacances, parce qu'il part en vacances début de la semaine prochaine. Ah bon? D'accord. Ouais. Il s'en va. Déjà. Bah oui. Déjà. Oui. Ah bon, d'accord. On va faire un petit tour. Ah bah c'est bien, il faut en profiter. Donc bonnes vacances à Étienne alors. Hein. et ça sera Plaine d'Alsace. Également, joué par lui. Voilà, par Étienne Masson, extrait de son album. C'est le numéro combien ? Le numéro 3. On va dire le volume 3. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti pour les valses. Ma belle Bavière. Plaine d'Alsace. Voilà, on est dans la Bavière, des rythmes. Les valses simple, bien, hein, oui. Oui. C'est cousin, quoi. Plaine d'Alsace. C'est là que j'ai grandi, dans l'amour, l'amitié, des parents, des amis. Dans la course du temps, j'ai beaucoup voyagé. Pour vous, mes sentiments ne changeront jamais. Pleine d'Alsace, terre d'amour, mon cœur fidèle vous aimera toujours. Pleine d'Alsace, pleine de grâce, vous êtes belle en toute saison et chaque jour. Pleine d'Alsace, rien n'est plus beau que vos atouts. Pleine d'Alsace, rien n'est plus beau que vos atouts. Merci à Étienne, et en plus de ça, chanté hein, par oui, Étienne. Il chante bien. Hein. Oui, c'est vrai que c'est très bien chanté. Ça lui va bien. C'est vrai. Donc bravo à Étienne Masson qui nous écoute. Voilà, accordéoniste et chanteur. Et oui, il faut le faire. Hein. Chanter et jouer en même temps, c'est. Oui. C'est tout un art. Bah, c'est pas évident. C'est vrai. Enfin, remarque, tu devrais y arriver parce que. T'arrives à parler et à non, jouer. Non, j'y arrive pas. T'arrives pas à parler ? Chanter, t'y arrives ? Non, je sais pas chanter. Oui, non, mais est-ce que tu. Non. Je chante comme une casserole. Oui, d'accord. Moi aussi, mais enfin. j'arrive à chanter et à jouer, mais oui. Je n'arrive pas à parler. Ah oui, d'accord. Oui, chanter et jouer, c'est encore pas pareil parce que ta voix suit la mélodie. Suit la mélodie. Ouais. Voilà, t'as entraîné avec la mélodie, donc c'est encore. Mais bon, non. Non, non, non. Alors que joue apparemment Frédéric, lui, il tient une conversation, tu peux lui parler de, ah bah oui. De n'importe quoi, il va te répondre. Hein, oui. En jouant. En jouant, oui. Ça, je ne sais pas comment il fait. Hein. Je ne sais pas non plus. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres. Hein. Bon, alors maintenant, c'est l'heure du tango. Hein. Donc après, Étienne Masson et les valses. Donc. On va aller dans les rues d'Argentine, parce que dans les rues d'Argentine, eh bien, on danse le tango. Tango. Voilà. Et c'est de Kevin Monnier et Jérôme Richard, ce tango. Extrait de l'album de Kevin Monnier, Cadabumpla. En tout, 16 titres. Donc c'est parti. Kevin Monnier, qui nous vient de Mazères, vers Bordeaux. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti pour le tango dans les rues d'Argentine. On va recommencer. Hein. Thank you. Eh bien, c'était Bruno Thibault dans Vous êtes parti avec ce tango, un classique. Hein. Je ne sais pas si tu connais. Ce tango-là, ça s'appelle Como te quiero. Como te quiero. Oui. Interprété par Bruno Thibault qui nous vient de Franche-Comté. Voilà, extrait de son album qui s'appelle Scène de danse. En tout, 16 titres. Alors Bruno Thibault, pour ceux qui veulent danser au son de l'accordéon de Bruno Thibault, eh bien sachez que vous pourrez danser avec Bruno Thibault demain, dimanche 22 avril de 15h à 20h du côté du Foulon à Bourbonne-les-Bains. Donc demain au Foulon, Bruno Thibault, et autrement il sera également en Haute-Marne à la Marina de Saint-Dizier, à Saint-Dizier, donc c'est dans le nord de la Haute-Marne, oui. À la Marina. Oui. Également de 15h à 20h, oui, que je connais très bien. Un très beau site, hein. Au bord de l'eau, dans les bois, tout ça, c'est retiré de la ville. C'est vrai que c'est reposant, voilà. Donc ça sera à la Marina avec Bruno Thibault le dimanche 29 avril. Alors, deux numéros, donc celui du Foulon, c'est le 03 25 90 02 57 pour plus d'infos. Je répète, 03 25 90 02 57 ou alors à la Marina, eh bien c'est le 03 25 06 48 92. Je répète, 03 25 06 48 92. Bon, ceci étant dit, ce n'est plus à dire. Voilà, ce n'est plus à dire, tout à fait. Eh bien, on continue, toujours dans la joie, la gaieté, la bonne humeur. Hein ? Oui, tout à fait, on essaye. Hein. Ben oui, on essaye. Et on va aller danser. Qu'est-ce que tu aimerais danser ? Moi... La béguine, de la samba, des... Un foxtrot? Une marche? J'aimerais bien soit... Dans le style marche ou... Je sais pas, non. Soit un sirtaki ou... Un sirtaki. Comme ça. Tu veux un sirtaki? Ouais. Bon, bah alors je vais te trouver un sirtaki, alors. Un sirtaki. Dans Musette Party. En plus de ça, ça rime. Sirtaki, musette partie, musette partie, sirtaki. Donc. T'as ça dans réserve ? Ah oui, il y en a. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de sushi. Il n'y a pas de sushi. Donc je suis à la pêche. Au sirtaki. Voilà, je suis à la pêche au sirtaki. Eh bien, voici un sirtaki, ça y est, Marcel. Donc, c'est Frédéric Buch. Oui. Ah, je sais qu'il aime bien les sirtaki. Donc, le sirtaki du thé dansant. Extrait de son album Ma belle Lorraine. Voilà. Frédéric Buch, bah, que tu verras toute cette semaine. Oui. Et donc, il nous emmène en Grèce. Et on le salue au passage, voilà, Frédéric Buch, que vous pourrez retrouver demain, donc du côté de Velay-en-Haye, à la forêt de Haye, dans la forêt de Haye, donc ça sera à Lausanne, pour un thé dansant de 14h30 à 19h. Après, je crois qu'il va prendre l'avion. Ben, je sais pas. Mais bon, donc c'est, en tout cas, un sirtaki. Extrait de son tout dernier album, hein. Je sais pas s'il en a encore. Alors, place au sirtaki et Frédéric Buch. Donc, c'est de la part de toute l'équipe du musée de Parti pour Marcel, voilà, qui nous écoute là. Marcel Houillon. Oui. Voilà. On se fait des dédicaces maintenant. Voilà, on se fait des dédicaces entre nous. Hein. En tout cas, vous pouvez nous appeler aussi au 03 29 62 40 40. Hein. Y a 03... Pas de problème. Voilà. Eh bien, c'était vraiment le vrai sirtaki, là, hein, je pense. Ça, on ne pouvait pas faire mieux. Hein. Eh oui, c'est le premier sirtaki qui était fait. Ah, c'est le premier. Enfin, le dernier qu'on vient d'entendre. Oui, qu'on vient d'écouter, oui. Ah, d'accord, c'est le dernier qui a été. C'est le premier, oui. Le dernier, c'était le premier, quoi, on va dire. Oui, oui. C'est le premier des sirtaki. En fin de compte, c'est une danse qui a été inventée pour le film Zorba le Grec. Hein. Voilà, oui, donc le titre, c'est Zorba, d'ailleurs. Hein. La danse de Zorba, oui. Oui, voilà, extrait d'un album qui s'appelle Sirtaki, tout simplement. La Grèce de Zorba. Avec plein de sirtaki. Hein. C'était fait dans les années 60, je ne sais plus exactement. Et puis là, c'est fait comme une espèce de guitare, on entendait de la guitare, de la mandoline, de la... Non. Je sais pas ce que c'est. C'est une espèce de mandoline grecque. Ah oui, d'accord. Je peux plus te dire le nom. Ah, c'est beau aussi ça. Hein. Mmh. Ouais, c'est sympa. Ouais. Voilà. Donc après le sirtaki, eh bien on va aller danser la java. Java bien. Une ch'tiot java. Allez, on va faire la java. Oui, on va danser une java. Non, mais je pensais, t'as pas une idée, toi, pour faire un petit jeu sur la java? Non. Non. Ça ne vient pas. Ça ne te vient pas, l'idée? Il est un peu tard, là. Il est un peu tard, d'accord. Bon. C'est ça la prochaine fois. Oui, on fera ça ultérieurement. Voilà. En tout cas, c'est une java, cette première java, bien entendu. C'est la série de java. C'est pas naze. Comment tu dis? C'est pas naze. C'est pas naze. Oui, la javanaise. Ah ben non. D'accord. Non, là c'est en fait c'est Christian Saint-Père qui nous emmène danser cette java, cette première java. Et ça s'appelle À nous la java. À nous la java. Extrait de l'album de Christian Saint-Père qui s'appelle Valsons au lac de Vèvre. D'accord. Un très joli lac d'ailleurs. Hein. Mmh, ah oui. Pour s'y promener, tout ça, c'est bien. Oui. Quand il fait beau. Allez, c'est parti. À nous, la java, Christian Saint-Père, qui nous vient de Vèvre. Oui, j'ai deux copains accordonistes qui habitent sur le bord du lac de Vèvre. Ah bon, toi. Deux copains accordonistes, ouais. Avec Que tu connais les deux, hein. Christian Saint-Père. Oui, et puis Denis Menuisier. Ah bon, d'accord. Mmh. Ok. Qui est venu ici également faire un lancement de CD. Je m'en rappelle plus. Ah. Ah oui, si. Oui. Il joue avec. Oui, avec. Un animateur. Celui qui fait les plantes, là. Non, c'est pas un animateur. Si, d'une émission de. Non, il fait une émission sur les plantes parce qu'il est jardinier. Oui. C'est Nicolas? Non, c'est pas Nicolas. Non, c'est pas Nicolas. Je sais plus. Oui. Le titre. Enfin, Roland. Roland Motte. Voilà, Roland Motte. Exactement. Heureusement que je suis là. Ouais, t'es bien. Voilà, Roland. Ah oui, d'accord. Alors, c'est parti pour la java. Allez. Thank you. Eh bien, c'était Maurice Poirot, autrement dit Momo pour les intimes. Hein. Voilà, merci à Maurice Poirot qui nous vient de Varangéville. Varangéville, tu sais où que c'est ? Oh, c'est en Meurthe-et-Moselle. Bien, bien joué, t'as gagné. Je sais pas ce que t'as gagné, mais t'as gagné. Ah, c'est bien. Être connu. Oui, voilà. Eh bien, on continue maintenant, on va aller danser le baillon. Le baillon, n'oubliez pas... Saint-Martin-Moselle. Oui. Ah ben voilà, Saint-Martin-Moselle aussi, voilà. Donc là, c'était donc, Maurice Poirot, je disais, avec le son de Java, le titre. Hein. C'est oui. d'un accordéoniste que nous regrettons, c'est Roland Zanetti. Voilà. Voilà, qui a fait beaucoup pour l'accordéon. Hein. Roland Zanetti, hein. Et on le remercie. Voilà, donc c'était le son de Java, le titre. Hein. Et après, là, on va aller danser le baillon. Alors, c'est avec un accordéoniste. Que tu connais, qui nous vient de Savoie. Enfin, de Haute-Savoie. Franconi, pas Franconi. Le Couti. Hein. Oui. Oui, parce qu'il y a Gilou le Couti, c'est le vrai, et là c'est Gilou Franconi. Oui. Enfin, c'est Gilles. Dans tous les cas, c'est Gilles. C'est Gilou, oui, Gilles. Gilles, c'est son prénom. Ouais, mais on lui dit Gilou. Voilà. C'est comme Maurice, c'est Momo ou. Ben oui, je l'ai eu un petit peu comme professeur pour les boutons. Voilà, d'accord. C'est pour ça que je t'ai dit que tu connais bien. Oui. Voilà, Gilou Franconi, extrait d'un album qui s'appelle Special Dancing. En tout 18 titres, et là, voici un baillon, c'est le baillon portugais, signé Jérôme Richard. Il est de Bassins, exactement. Il est de Bassins. Oui. D'accord. Dans les sud de Chambéry. Très bien. Ben, il est déjà venu, je crois, dans un 2-3 musette, non ? Il est déjà venu dans... Oui, oui. Ici, oui. Ah oui, une fois ou deux. Oui, oui. Alors, c'est parti pour le baillon. Et n'oubliez pas qu'il y aura dans un instant l'agenda pour savoir où danser les rendez-vous de la danse dans votre région. Allez, c'est parti. Baillon. Baillon, et l'autre, ça sera un autre baillon interprété par Aurélie Gourbert. Tiens, Aurélie Gourbert qui nous vient, qui habite vers Lyon, eh oui. Dans les volcans là. Il y a des Clermont-Ferrand dans les coins. Clermont-Ferrand, oui. Oui. Donc, le massif central. Voilà, c'est ça. Dans le massif central. Et ça sera la Bayonnata. De Virginie et Cyril Denré. Voilà. Allez, c'est parti. Virginie Zeflinski et Cyril Denré. Pour l'heure, c'est Gilou. Hein. D'accord. Tu suis, hein ? Je suis. Allez, on s'aligne. Thank you. vacances. On s'y retrouve en cadence sur les paquets des guinguettes pour s'y revoir chanter et danser. Les rendez-vous de la danse dans une super ambiance. Les accordéons bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. Les rendez-vous de la danse dans les Vosges. Alors, vous pourrez danser à Épinal, au centre des congrès à la maison Léonard, demain, dimanche 22 avril, dès midi pour le repas ou dès 14h pour le thé dansant, et ce jusqu'à 19h. Et ce sera animé par l'orchestre Los Hermanos. Demain, dimanche 22 avril, donc, et le dimanche 29 avril, le week-end prochain, même formule, dès midi pour le repas ou dès 14h pour le thé dansant, et ça sera animé par l'orchestre Benoît Prisbilla. Alors, un numéro de téléphone pour la maison Léonard, eh bien, c'est le 03 29 34 31 65. Je répète, 03 29 34 31 65. Rendez-vous de la danse dans une super ambiance. Les accords du bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. Toujours dans les Vosges, eh bien, dans les Vosges, entre Madone et Lameret, entre Dompère et Épinal, vous pourrez y danser demain, dimanche 22 avril, avec l'orchestre José et Ramon Pereira. Donc demain, dimanche 22 avril, de 14h30 à 19h. Comme chaque dimanche d'ailleurs, au Petit Creux. Hein, et le 29 avril, eh bien, ce sera l'orchestre Jean-Claude Daniel. Également de 14h30 à 19h, au Petit Creux. Alors, le numéro de téléphone du Petit Creux, eh bien, c'est le 03 29 43 11 16. Je répète, 03 29 43 11 16. Ou alors 06 09 08 54 82. Je répète, 06 09 08 54 82. Toujours dans les Vosges, eh bien, dans les Vosges, il y a de quoi faire. Hein. Alors, vous pourrez aller danser du côté des variétés au Tio, donc chez Sylvie et Thierry, de 14h30 à 19h, donc demain, dimanche 22 avril, avec notre ami Christian Mangel de l'orchestre Studio 5. Donc demain, dimanche 22 avril, Christian Mangel, et le 29 avril, donc dimanche prochain, ce sera Guillaume Clergé, de 14h30 à 19h également au Tio. Alors, le numéro de téléphone du TIO, c'est le 03 29 25 01 01. Je répète, 03 29 25 01 01. Les accords du bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. L'hiver, l'été. Et du côté du Pierraco, donc c'est à Lavelines devant Bruyères, à côté de Bruyères, donc vous pourrez y danser comme chaque dimanche. On y danse au Pierraco, à Lavelines devant Bruyères, de 14h30 à 19h. Et demain, dimanche 22 avril, eh bien vous pourrez y danser avec l'orchestre Punch Music. de 14h30 à 19h, donc au Piraco. Et le 29 avril, eh bien, ce sera l'orchestre Romain Dupuis. Un numéro de téléphone pour le Piraco, eh bien, c'est le 03 29 58 50 65, je répète, 03 29 58 50 65. Du côté de la Meurthe-et-Moselle. On y danse aussi, hein, en Meurthe-et-Moselle, dans le 54. Alors vous pourrez aller danser du côté de la Danse des Anges à Allain, à côté de Colombey-les-Belles. Et demain, dimanche 22 avril, eh bien, vous pourrez y danser avec Cyril Renaud, votre serviteur, de 14h30 à 19h. Demain, dimanche 22 avril, donc, et le 26, ce jeudi 26, alors vous pourrez y danser avec Jean-Claude Eustachy pour votre thé dansant de 14h30 à 19h. Et le 29 avril, eh bien, le week-end prochain, également de 14h30 à 19h, à la Danse des Anges à Allain, eh bien, vous pourrez y danser avec Benoît Chabot. Le numéro de téléphone de la Danse des Anges pour plus d'infos, eh bien, c'est le 03 83 25 07 33, je répète, 03 83 25 07 33 ou alors 06 72 57 14 44, je répète, 06 72 57 14 44. Ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Toujours dans la Meurthe-et-Moselle, eh bien, vous pourrez danser à Lausanne, à la Forêt de Haye, à Velaine-en-Haye, donc demain, dimanche 22 avril, avec Frédéric Buch, de 14h30 à 19h, et le 29 avril, eh bien, ce sera l'orchestre Stanlore. Et le 1er mai également, comme ce sera férié, donc vous pourrez également y danser, même horaire, 14h30, 19h, avec SD Musique. Pour plus d'informations, eh bien, voici le numéro de Lausanne. Alors c'est le 06 79 17 36 97, je répète, 06 79 17 36 97. Alors, changement de région maintenant, du côté de la Haute-Marne, en Champagne-Ardenne, eh bien, vous pourrez aller danser à la Marina de Saint-Dizier demain, dimanche 22 avril, avec Benjamin Durafour. Et le 29 avril, eh bien, ce sera Bruno Thiébaud, les horaires 15h-20h, hein, à la Marina de Saint-Dizier. Le numéro de téléphone... 03 25 06 48 92, je répète, 03 25 06 48 92. Les rendez-vous de la danse, dans une super ambiance, les accords du bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. L'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Toujours en Haute-Marne, eh bien, sachez qu'il y a également le Foulon à Bourbonne-les-Bains. Eh bien, vous pourrez y danser demain, dimanche 22 avril, avec Bruno Thiébaud de 15h à 20h. Et ce mercredi, comme chaque mercredi, on y danse au Foulon. Alors, ce mercredi 25 avril, eh bien, sera animé par Christelle Jeanblanc de 15h à 19h30. Et à noter également dans votre carnet de bal qu'il y aura le bal du vendredi soir, ce vendredi 27 avril de 20h30 à 1h30 du matin. Et ce sera animé par Florent Goris. Toujours au Foulon. Hein. Et le dimanche 29 avril, eh bien au Foulon, de 15h à 20h, vous pourrez danser avec Hippolyte Corigliano. Alors, pour plus de renseignements ou pour réserver ou pour plus d'infos, eh bien c'est le 03 25 90 02 57. Je répète, 03 25 90 02 57. Et du côté de l'Aube, donc dans l'Aube, eh bien à côté de Troyes, à Plaine-Saint-Lange, eh bien vous pourrez y danser dimanche 29 avril, de 15h à 20h, au Dancing Le Galaxy. Et ça sera animé par Christelle Jean-Blanc, donc dimanche 29 avril. Le numéro 06 11 25 05 17, je répète 06 11 25 05 17. Et toujours dans l'Aube, eh bien, du côté de la salle des fêtes de Rouilly-Saint-Loup, eh bien, on y danse tous les mardis là-bas. Alors ce mardi 24 avril, eh bien, vous pourrez y danser avec Fabrice Lefebvre. Les accords du pont musette. De 14h à 19h, donc à Rouilly-Saint-Loup, l'été, à côté de Troyes. L'hiver, l'été. Quant aux autres mardis, eh bien, le mardi 1er mai et le mardi 8 mai, eh bien, vous y danserez également dans l'Aube, mais au domaine de Vermoise. Donc c'est à Sainte-Maure, dans l'Aube aussi. C'est organisé par le même organisateur. Donc le 1er mai, vous y danserez avec Jean-Baptiste Vaz de 14h à 19h. Et le 8 mai, eh bien, avec Hippolyte Corigliano, eh bien, vous y danserez de 14h à 19h également au domaine de Vermoise à Sainte-Maure. Un très joli domaine. Hein. Ça vaut le coup d'être vu. Alors, le numéro de téléphone pour plus d'infos, eh bien, c'est le 06 07 67 32 11. Je répète, 06 07 67 32 11. Et enfin, je vous donne un petit rendez-vous à ne pas manquer. Donc, ce sera le dimanche 29 avril, eh bien, de 14h30 à 19h. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans le Doubs. Dans le Doubs, à côté de Baume-les-Dames, entre Baume-les-Dames et Lure, enfin Villers-Excel plus précisément. Et ce sera du côté du Mésendan, aux saveurs du Thuillet. Enfin, à Mésendan, aux saveurs du Thuillet. Le numéro de téléphone, eh bien, c'est le 03 81 84 72 55. Je répète, 03 81 84 72 55. Sont passés l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Vous êtes parti, c'est notre vie, et c'est parti. Dansons, chantons tous avec Musette Partie. C'est réussi, Vous êtes parti, a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Mon cœur est plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, vous êtes parti, c'est notre vie. Et c'est parti, dans son chantons tous avec. Vous êtes parti, c'est réussi. Vous êtes parti, a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guerre peut s'aventir à les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Eh bien oui, auditrices, auditeurs, internautes de Radio Guémozo et Résonance FM. Alors merci d'avoir été là à l'écoute sur les ondes de Radio Guémozo, 107.0 à Saint-Étienne-lès-Miremont, 88.1 à la Bresse et sur Internet également. Un grand merci à vous. Restez bien branchés, les programmes continuent sur Radio Guémozo. N'oubliez pas donc la rediffusion demain. Dimanche à partir de 7h sur Radio Guémozo et dès 5h sur Résonance FM, comme tous les dimanches. Et autrement, rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Musette Partie sur Radio Guémozo entre 10h et midi le samedi. Alors, on va se quitter avec le Paso Doble. On va aller du côté de l'Espagne. Eh bien, on va aller du côté de l'Espagne avec ce premier Paso Doble interprété par Jean-Baptiste Vaz. Et ça s'appelle La Feria de Bayonne, signé Jean-Baptiste Vaz et Eric Bouvel. Extrait de son album qui s'appelle JB Musette. Voilà, ça c'est pour le premier Paso Doble. Et le deuxième, eh bien, ça sera interprété par Benjamin Durafour, Olé Rafa, de Maurice Larchange, Michael Larchange, Michel Pruvot et Eric Faure. Extrait de l'album de notre ami, eh bien, Benjamin Durafour, Rue Musette. Eh bien, en attendant de se retrouver, eh bien, bonne semaine à vous, bon week-end, amusez-vous bien, bonne danse. Et si vous êtes encore à table, eh bien, bon appétit, hein. Voilà, bonne continuation. Portez-vous bien. Et à bientôt. Salut !